atteint de glorieuses altitudes. La misère, c'est pareil sous toutes les latitudes. Les drapeaux sont pour moi comme du papier toilette. C'est con de s'en servir, c'est mieux quand on les jette. J'aime pas la Marseillaise, pas plus la Blanche Hermine. Quand on parle de frontières, j'ai le cœur qui se débile. Musique militaire, hymne variétisé. National de mon cul, tu me fais dégueuler. Je suis né quelque part, qu'importe la couleur. Je crache sur les milices, je hais les dictateurs. Je ne lis pas la presse des princesses vaginales. Quand je télévisionne, c'est par la voix anale. Je ne chante pas la misère je l'étale. Comme une reine vulgaire, comme un mauvais journal. Je n'ai pas de racines, je n'ai pas d'héritage. Je ne suis pas celtique, je suis né dans une cage. Je chante pour bouffer comme d'autres font le trottoir. Faire sodomiser pour ce sacré dollar. Je gueule la détresse sans aucune retenue. Pour mes frères SDF, mes amis détenus. Je ne suis pas poète ayant pignon sur rue. Anarchiste peut-être, anarchiste perdu. Je ne suis pas artiste comme beaucoup de nos stars. Je suis seulement un chien, un vulgaire clébard. Je suis le fils de personne, mon petit nom c'est Polo. Étranger dans la ville, on me traite de bâtard. Un bâtard, ça pue, ça se couche dans le caniveau. En Bretagne, à Paris, à Marseille, dans les gares. Ça n'a pas de patrie, c'est une fille publique. Ça fabrique de l'amour au diable à la luxure. La police cogne dessus au nom de la République. Au matin, on les jette dans la baie d'un ordure. Ça n'a même pas de haine, ça bouffe de temps en temps. Ils sortent de prison comme on sort d'un hôtel. Ils oublient qu'ils sont seuls, qu'ils n'ont plus 17 ans. Ils se jettent sous un train, histoire de faire la belle. Je ne suis pas atteint de glorieuses certitudes. La misère, c'est pareil sous toutes les latitudes. Musique militaire, hymne variétisé. National de mon cul, tu me fais dégueuler. National de mon cul, tu me fais dégueuler. National de mon cul, tu me fais dégueuler.